caisses sont à l'affût. Check son esprit, regarde, ça se fait mes fûts. Non, les guisnés sont à l'affût. Les guisnés sont à l'affût. Check son esprit, regarde, ça se fait mes fûts. Des verres, des choix, le wheel, une mini coupe de la wifi. Check son esprit, regarde, ça se fait mes fûts. J'suis posé dans le black, posé dans le black. Où la huile est trop bas, où la huile est trop bas. Qui sort de ma bouche, négro, tu te croirais à Kingston. Mais je fais le son de ma voix. Ok, vas-y, rentre dans la chambre. On va fumer, teaser, baiser toute la nuit, bitch. Laisse ses sentiments devant la porte. Mon négro, j'ai tout essayé. Toi, quelle merde, j'ai pas chié. Il a vu ma charmée avant que je me mette à chanter. J'espère qu'un jour ça va payer. J'ai le poids de la mic sur les épaules. Faut que tu reprends mon du ghetto. J'ai les crocs et j'ai pas de plan B. Mon négro, j'ai tout essayé. Donc, quelle merde, j'ai pas chié. Baiser à la roue et ma roue. Je représente mes locaux, pas la pigalo.